Il n'y a pratiquement plus d'islam dans les mosquées. La dernière trace de tawhid n'est plus que le tawhid d'Abu Jahl. Effectivement, l'unicité d'Allah se résume dans les mosquées au fait qu'Allah est le créateur des cieux et de la terre et que c'est lui qui pourvoit aux besoins. Comment expliquez-vous que les premiers ennemis de l'islam croyaient déjà en cela, que ça ne les a pas fait entrer en islam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus et a rendu leurs biens et leur sang licites? Si vous voulez une preuve que ces mushrikines, ceux que le messager sallallahu alayhi wa sallam a combattu, attestaient tout cela, alors lisez les paroles d'Allah le Très-Haut qui dit: qui attribue la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront Allah. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas? Sourate 10, verset 31. Et sa parole dit: qui appartient? Dit: à qui appartient la terre et ceux qui y sont? Si vous savez, ils disent: à Allah. Dit: ne vous souvenez-vous donc pas? Dit: qui est le Seigneur des sept cieux et de la terre et le trône? Dit: qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront: il appartient à Allah. Dit: ne le craignez-vous donc pas? Dit: qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? Dites: si vous le savez. Ils diront: Allah. Dit: comment se fait-il que vous soyez ensorcelé au point de ne pas croire en lui? Sourate 22, verset 84-89. Parmi tant d'autres à ce sujet. Alors où est la différence entre les associateurs de Quraysh et ce qu'on trouve dans nos mosquées comme prêches et serments? Est-ce le fait de simplement dire la shahada? Pensez-vous qu'un bouddhiste disant la ilaha illallah sans laisser le shirk peut prétendre à l'islam? Naturellement non. Alors pourquoi ceux qui ne pratiquent pas la shahada dans sa totalité pensent que cette simple phrase va les sauver? La première condition de la shahada est la science. Car Allah dit: sache qu'en vérité, il n'y a de divinité qu'Allah. La science de l'unicité est une obligation. Il y a consensus des savants sur le fait que la prononciation de la shahada sans sa science est inutile. Pouvez-vous prétendre être médecin sans avoir étudié la médecine? Non. Alors comment se fait-il que vous prétendez être monothéiste sans avoir la connaissance du monothéisme? La majorité des gens qui peuplent les mosquées ignorent ce qu'est le tarout, alors qu'Allah a rendu obligatoire d'y croire pour prétendre à l'islam. Mais les imams de notre époque préfèrent expliquer aux gens que jouer au loto, ce n'est pas bien. Avez-vous déjà vu un jardinier tailler les branches d'un arbre dont la racine est pourrie? Alors cachez-vous derrière vos barbes et vos kamis blancs, mais vous ne serez musulmans que lorsque vous aurez cru au tarout et cru en Allah seul. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit au tarout tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. Comme l'a dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab en référence à ce verset: l'homme ne devient croyant en Allah que par la mécroyance au tarout. La religion du bon chemin est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la religion de l'égarement est celle d'Abu Jahl, et l'anse la plus solide qui ne peut se briser est l'attestation que la ilaha illallah, et elle englobe la négation et l'affirmation. Nier tout genre d'adoration à autre qu'Allah et affirmer que toute adoration sont pour Allah, l'unique sans associé. Voir dans Majmou' al-Tawhid, 3e Risale. Aujourd'hui, dans beaucoup de mosquées, il y a un appel au shirk des plus clairs et une désinformation délibérée de ce qu'est le véritable tawhid. Il y a une chose que tu as déjà dû remarquer, c'est que la plupart des imams poussent les gens à aller voter et acceptent le jugement du tarout pour régler les litiges. Alors pourquoi la démocratie est du shirk? Le système démocratique est basé sur un parlement, et dans ces parlements, on décide de ce qui est autorisé et interdit. Or Allah subhanahu wa ta'ala dit: le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate 12, verset 40. Dans ce verset, on voit clairement que le commandement tout entier n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah possède le pouvoir tout entier, et cela au même titre qu'il est le seul pouvant créer à partir de rien. Si une personne prétendait pouvoir créer à partir du néant, on dirait d'elle qu'elle s'est élevée au rang de divinité. Donc, il en va de même pour une personne qui prétend pouvoir établir des lois. Or, c'est bien ce que permet le système démocratique. Il donne le droit aux hommes de choisir ce qui est autorisé et interdit. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, dans sourate 42, verset 21, « Ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises ?» On voit dans ce verset qu'Allah nomme associé celui qui établit des lois qu'il n'a jamais permises. Et ceci est l'essence même de la démocratie. Elle permet de rendre licite et illicite ce sur quoi Allah a déjà légiféré. Exemple, l'alcool, le voile, etc. Donc la démocratie est un associé adoré en dehors d'Allah pour celui qui y contribue. Donc celui qui vote a accepté la démocratie. Et que de ce fait des hommes puissent légiférer en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui entre au Parlement en tant que législateur est tarout. Et celui qui vote est un adorateur du tarout. Donc voilà le rapport avec mon titre, c'est que dans beaucoup de mosquées on appelle à la mécréance. Et quand on leur demande ce qu'est l'unicité d'Allah, on nous répond qu'il est le seul créateur et le seul à donner la vie et la mort. Voilà pourquoi je dis que ces imams sont les héritiers d'Abu Jahl. Et ils ne te rapporteront qu'une partie de la shahada en général. C'est celle qui ne les empêche pas d'exercer le rôle d'imam en toute tranquillité. Mais le tawhid, c'est une autre réalité. Certes, Allah est le Seigneur des cieux et de la terre, le seul créateur, mais il est aussi le seul législateur. Et de ce fait, le seul à qui on demande justice. Allah subhanahu wa ta'ala dit... N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Sourate 4, verset 60. Dans ce verset, on voit clairement que demander le jugement à autre que le Coran et la Sunna est du shirk, polythéisme, car la demande de jugement est un acte d'adoration. Allez voir les imams et demandez-leur quel est le statut de celui qui entre au Parlement, le statut de celui qui vote, et le statut de celui qui va régler ses litiges dans les tribunaux français. Vous verrez les réponses par vous-même. Je sais d'avance qu'ils vont vous bassiner avec des réponses bidons, alors lisez bien la suite. Puis-je passer par la démocratie pour instaurer les lois d'Allah? Non, ceci n'est pas possible, car la démocratie est shirk, et en islam, la fin ne justifie pas les moyens. Les premiers associateurs qui ont combattu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, adoraient les statuts pour se rapprocher d'Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans Sourate 39, verset 3, « C'est Allah qu'appartient à la religion pure, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » L'intention des associateurs Quraysh était de se rapprocher d'Allah. Ils reconnaissaient sa seigneurie. Dit, « Qui attribue la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout ?» Ils diront « Allah ». Dit alors « Ne le craignez-vous donc pas ?» Sourate 10, verset 31. Et sa parole dit « À qui appartient la terre et ceux qui y sont ?» Si vous savez, ils disent « Allah ». Dit « Ne vous souvenez-vous donc pas ?» Dit « Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime ?» Ils diront « Ils appartiennent à Allah ». Dit « Ne le craignez-vous donc pas ?» Dit « Qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé ?» Dites « Si vous le savez. » Ils diront « Allah ». Dit « Comment se fait-il que vous soyez ensorcelés au point de ne pas croire en lui ? Sourate 22, versets 84 à 89. Parmi tant d'autres à ce sujet. Mais le moyen qu'ils ont utilisé est le shirk. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus et rendus leur sang et leurs biens licites. Allah Ta'ala dit « Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. » Et alors il t'aurait pris pour ami intime. Et si nous t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors, nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort. Et ensuite, tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. Sourate 17, verset 73-75. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, dans son exégèse, volume 10, page 194, ainsi que al-Tabari dans le prétexte de révélation de ce verset. Saïd ibn Jubayr, radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait la pierre noire lorsqu'il faisait la tournée révérentielle. Puis les gens de Quraysh l'en ont empêché et lui ont dit, nous ne te laisserons pas embrasser la pierre, sauf si tu caresses nos divinités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dit, pourquoi ne pas caresser leurs divinités afin qu'ils me laissent embrasser la pierre, vu que j'y suis contraint? Puis Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté cela en révélant ces versets. Fin de sa parole. Si pour le simple fait de toucher, Allah a révélé ce verset et a dit, alors nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort. Sourate 17, verset 75. C'est-à-dire ton supplice aurait été le même que celui de l'associateur dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Alors qu'en serait-il de celui qui met sa main sur une idole et jure de la respecter? D'après Tariq ibn Shihab, le prophète a dit, un homme est entré au paradis à cause d'une mouche, et un autre est rentré en enfer pour la même raison. Les compagnons demandèrent, comment cela se peut-il, ô prophète d'Allah? Il répondit, Deux hommes cheminant rencontrèrent sur leur route un peuple qui avait une idole. Ce peuple ne permettait à personne de continuer son chemin sans offrir de sacrifice à l'idole. Ils dirent à un des deux hommes, « Sacrifie quelque chose. » Il répondit, « Je ne possède rien que je puisse sacrifier. » Ils lui dirent, « Sacrifie ne serait-ce qu'une mouche. » Il s'exécuta et on le laissa le passage. Il rentra alors en enfer. Et il dirait à son compagnon, « Sacrifie quelque chose. » Il répondit, « Jamais je ne sacrifierai une chose pour autre qu'Allah. » D'un coup d'épée, il fut tué et entra au paradis. Rapporté par l'imam Ahmed dans son livre « Az-Zuhd » à page 15. Un des deux hommes est entré en enfer en raison de la mouche qu'il a sacrifiée pour l'idole, sans intention de sacrifice, mais plutôt pour échapper à leurs méfaits. L'homme qui est entré en enfer était musulman, car s'il avait été mécréant, le prophète n'aurait pas dit « Un homme est entré en enfer à cause d'une mouche ». L'homme qui a donné la mouche ne cherchait pas le shirk, mais voulait simplement passer. Mais malgré son intention, son acte reste du shirk, ce qui l'a apostasié de sa religion. Donc, même si l'intention est bonne, mais si on entre au Parlement dans l'espoir de faire appliquer les lois d'Allah, ou qu'on vote dans l'espoir d'avoir des mosquées, ou de pouvoir porter le voile librement, cela reste du polythéisme, ça reste du shirk. Les califes de l'islam n'ont-ils pas été choisis par le peuple? C'est une démocratie alors? Non, ceci n'a rien à voir, car en islam on choisit un homme qui va faire appliquer les lois d'Allah, alors qu'en démocratie, on choisit les lois avec lesquelles on gouverne. Mais nous vivons en France, nous ne sommes pas chez nous et nous n'avons pas le choix. En premier lieu, Allah n'est-il pas le Seigneur de l'univers? Et la France n'est-elle pas dans l'univers? C'est la loi d'Allah qui prime sur toutes les autres. Et ce n'est pas à la vérité de se plier devant le mensonge. Allah dit dans Sourate 2, verset 193, « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement Allah seul. S'il cesse, donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. » Ensuite, l'islam n'a pas été révélé dans un état islamique. Il est venu à une époque de mécréance et ce n'est pas pour autant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé les lois d'Allah pour adopter celles des Quraysh. Les musulmans se sont fait torturer, tuer, expulser, mais n'ont pas laissé la législation d'Allah pour une autre. Le négus ne gouvernait pas avec les lois d'Allah et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est mort musulman. Effectivement, le négus ne gouvernait pas avec les lois d'Allah pour la bonne et simple raison qu'il ne les avait pas en sa possession pour pouvoir juger avec. Il reconnaissait que la législation appartenait à Allah, mais à son époque, il n'y avait pas de fax ni internet pour qu'une information parvienne à un endroit. Il fallait énormément de temps. Ne sachant pas comment Allah juge certains cas, il fallait bien qu'il décide par lui-même. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à la législation d'Allah, donc rien n'empêche de juger avec. Juger d'après les lois d'Allah, c'est adorer Allah. Si on ne sait pas comment adorer Allah, est-ce que cela équivaut à adorer un autre qu'Allah? Naturellement, non. Car avant la venue de l'islam, il y avait un homme monothéiste à la Mecque qui s'appelait Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui qu'il est au paradis. Et cet homme disait à Quraysh, « Qui a créé ce que vous immolez pour vos divinités ?» On lui répondit, « Allah. » Alors il leur disait, alors pourquoi les sacrifiez-vous pour autre que lui? Et d'un autre côté, cet homme se tournait vers la Qibla et disait, « Oh Allah, si seulement je savais comment t'adorer !» Cet homme ne donnait pas d'associé à Allah, mais ne savait pas comment l'adorer. Ce qui est le même cas pour Négus, qui ne savait pas le jugement d'Allah, mais qui l'a pris comme seul législateur. En plus, Négus est mort dans les débuts de l'islam, alors que la majorité des lois islamiques n'ont été révélées que vers la fin de la révélation. On commence à trouver dans plusieurs mosquées des affiches appelant au shirk, au polythéisme, et au kufr, à la mécréance, appelant les fidèles à choisir un mécréant, un kafir, qui jugera selon la loi du tarout, en participant aux élections démocratiques. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la préparent pour celui qui auparavant avait combattu, Allah et son envoyé, et jurent en disant « Nous ne voulions que le bien ». Cela, Allah atteste qu'il mente. Sourate 9, verset 107. Ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Sourate 9, verset 108. Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah? Ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer. Et Allah ne guide pas les gens injustes. Sourate 9, verset 109. La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans leur cœur, jusqu'à ce que leur cœur se déchire. Et Allah est omniscient et sage. Sourate 9, verset 110. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Sourate 72, verset 18.